Dans le chaos de la bataille, quand on foule une boue de sang, de vomi, de pisse, et d'entrailles d'amis et d'ennemis mêlés, il est facile de confier son salut aux dieux. Mais ce sont les soldats qui se battent. Et ce sont les soldats qui meurent. Et les dieux, eux, ne s'impliquent jamais. Tu me vois grand calme, alors on regarde pas la même personne. Dire ça se compare à un arc, à une Jefferson. Je fais le son en solitude dans ma chambre. En pleine renaissance, mon écriture ressemble à de la cendre. J'irai pas vendre mon âme pour être connu. Et si un connard tente de me l'acheter, je lui en colle une. Comme Coluche, je suis franc. Et j'irai pas me pervertir en oubliant mes vertus pour devenir une coqueluche. Faut que je lutte chaque jour contre la routine. Et dire qu'on taffe dur pour seulement des broutilles. Je plains ceux qui roupillent et envie ceux qui ont les billets. Ceux qui ont réussi, pas ceux qui ont la fierté. Je hais les culs figés et les pieds dorés, enfants de star ou d'héritier à la personnalité décorée. Putain, c'est déconné, mais dans quel monde vit-on? Certains crevent de faim, d'autres enrobent leur chien avec du Louis Vuitton. C'est irritant, comme le meurtre par des parents, et de ne voir s'écouler aucune larme apparente. À part la vente de leur corps au diable, aucune peine ne peut correspondre à la cruauté de leurs actes. Plus je regarde le temps et plus je me demande si on n'a pas fait un pacte avec le mal. Car depuis 10 ans, j'ai la vague impression que l'esprit des gens est devenu sale. Non seulement je vois que beaucoup se croient seul au monde, mais en plus se croient invincibles comme Solomon. Et que même les mômes intègrent mon constat, car à 10 ans tu peux entendre la sortie on stop. Les souvenirs me rattrapent quand la plume écrit ça. Fini le temps, mes éclaircies n'étaient que des grisailles. Désormais où que j'aille, il y aura plus de grillage. Je griffe la page, l'objectif dans le sillage. S'il y a un mur, je ferai tout pour le sauter. Je m'adapterai aux épreuves auxquelles je serai confronté. J'affronterai ma destinée comme un Russell Crowe dans la reine. Le regard en guise de glaive. Je veux pas qu'on m'arrête, et surtout pas ma reine. Je crois plus en rien depuis que la poste me parraine. Je laisse rien paraître, telle une tempête de neige. À quoi ça mène, je sais pas, mais j'aime ce manège. J'appuie sur les manettes et dans ma tête fais le ménage. Toujours honnête, au moins je suis pas insulté de lâche. Lassé d'attacher de l'importance au futile. Désormais je donnerai mon cœur entier à la famille. Il est minuit, je fatigue et l'esprit s'affaiblit. Une vingtaine de rimes, le contrat est rempli. La rétine irritée et l'esprit vide. Voici dans quel état je vous quitte.